Sortie culturelle. Cultural journey. Excursion culturelle. Gita culturale. Sortie culturelle. Que le spectacle continue. Sortie culturelle spéciale Festival d'été de Québec vous est présentée en direct du bar Le Sacrilège, 447 rue Saint-Jean. Et bienvenue dans cette émission qui vous propose une couverture complète du Festival d'été de Québec. Jessica Leb avec vous. On est ensemble jusqu'à 17h30, vous l'aurez compris. Et on reçoit les artistes qui sont programmés, notamment ce soir au Festival d'été de Québec. Aujourd'hui, on rencontrera en entrevue Zach Zoya, Princesse, le projet de Pascal Asselin, l'AF, Gilles Bernard Quartet, Birds of Bellwood et... Et dans quelques instants, Clément Bazin aussi qui va nous rejoindre. Les chroniqueurs aussi reviendront sur les spectacles qu'ils ont couverts hier soir et ce qu'ils vous suggèrent pour ce soir, qu'on puisse y aller ou non. Parce que oui, on vous fait des suggestions aussi de spectacles où on ne peut pas aller parce qu'on n'a pas encore trouvé le moyen de se déquadrupler pendant le Festival d'été de Québec. On y travaille jusqu'à dimanche. Et aujourd'hui, émission... exceptionnel également, puisqu'on fait tirer 2x2 paires de billets pour le spectacle de Jane que vous avez vu au Festival d'été de Québec. Sachez qu'on a déjà annoncé son retour à Québec dans quelques mois seulement. Ça sera le 26 octobre à l'Impérial Bell. Les billets seront mis en vente seulement demain midi. Mais à CKRL, on a déjà 2x2 paires de billets à faire tirer. Alors, faudra être bien attentif pendant l'émission, que vous soyez au Sacrilège, ici, au 447 rue Saint-Jean. Je rappelle, vous pouvez venir nous rejoindre à tout moment pour assister à l'émission. Mais aussi à l'écoute de l'émission où vous soyez, vous allez pouvoir tenter votre chance. Alors, je lance dès maintenant le concours au Sacrilège. Si quelqu'un vient me voir avec le nom d'une chanson de Jane... La paire de billets pour lui. Ça peut être à tout moment, là, ça peut être dans la minute, comme ça peut être dans une heure, mais ça sera pour le premier. Donc je le dis, Sacrilège, 447 rue Saint-Jean, si vous voulez repartir avec cette paire de billets. Pour les auditeurs, il va falloir patienter un peu et être attentif pendant l'émission, je vous expliquerai comment gagner. Vous ne savez pas du tout de qui je parle, elle était en spectacle au Carré d'Youville un peu plus tôt cette semaine, j'en perds un peu ma notion du temps, mais Jane a fait vraiment lever la foule, alors je suis sûre qu'à l'Impérial Bell, ça va être encore plus fou le 26 octobre. On se met dans leur ambiance, je vous propose d'écouter Star tout de suite. Voici Jane. You can stand the light. Martin à CKRL 89.1. Je vous rappelle qu'elle sera en spectacle. Déjà de retour à Québec le 26 octobre prochain à l'Impérial Bell. On en perd toutes nos émotions ici au sacrilège. J'en lance mon téléphone. Ouais, Tania, c'était tellement beau, faut dire. Je sais même plus quel jour c'était. Samedi, dimanche, lundi? Dimanche? Ouais, je crois que c'est ça. Je pense que c'était dimanche. Voilà notre notion du temps pendant le Festival d'été de Québec quand on le couvre tous les jours. Je vous rappelle, si vous venez me voir au Sacrilège et vous me donnez le nom d'une chanson de Jane, vous repartez avec une paire de billets, c'est aussi simple que ça, pour son spectacle le 26 octobre à l'Impérial Bell. C'est même pas mis en vente encore, imaginez-vous. Les gens vont sauter dessus demain midi parce que vu la popularité que ça a eu à la Place du Ville, je pense qu'il y a quand même des gens qui vont acheter des billets pour aller la voir à l'Impérial en octobre. Tania, qu'est-ce que t'en penses? Mais c'est certain, et c'est pas la première fois qu'on voit ça, c'est une question de rouage hein, de l'industrie de la musique et du spectacle. On a une certaine exclusivité, donc probablement que la date était décidée depuis déjà longtemps, mais on attend que cette prestation-là soit faite avant d'annoncer. C'est pour ça que tout de suite à la fin du spectacle, on sait que les gens vont revenir. Ça avait fait la même chose avec Émile Bilodeau aussi, dans une place d'Youville très, très, très pleine. Et tout de suite après, on a dit « Hey, on remet ça, je vais être là en novembre, je pense, à l'Impérial. » Donc, on avait fait le même genre de truc. Et oui, normalement, c'est signe d'un succès pour le spectacle à l'Impérial. Je ne sais pas à quel point les billets vont partir vite, mais d'après moi, il ne faut pas attendre le 24 octobre parce qu'il y en aura plus. Non, c'est ça. Puis, il y a l'album Soldier qui va sortir pour Jane le 24 août. Donc, ça va remettre une couche. On va encore reparler d'elle. Donc, d'ici là, je pense que ça peut bien se vendre, effectivement. Sautez oui. Là-dessus. On rappelle, on fait gagner une paire de billets à ceux qui nous écoutent au Sacrilège et à la station aussi, à CKRL. À tout moment, je vais l'annoncer, il va falloir être super rapide. Tania, une soirée à ne pas manquer ce soir, évidemment, sur les plaines d'Abraham, avec la venue de Beck, mais on peut aussi parler des deux premières parties, Phoenix et Girls in Hawaii, qui sont deux groupes très populaires. Mais moi, je les connais. Pour moi, c'est des vedettes en Europe. J'ai du mal à mesurer ici. Je pense qu'on est plus en découverte au Québec. Mais Girls in Hawaii, moi, personnellement, là, ça a été une découverte quand j'ai vu le nom, mais je connais pas tout non plus. Là. Mm-hmm. Je sais que c'est un groupe qui a quand même une certaine popularité. C'est un groupe belge qui présente des chansons un peu comment dire ça, rock, mais un peu, ça peut être rock planant, ça peut être rock électro un peu, donc on a un beau mélange là-dedans. Ça va bien ouvrir pour vrai cette soirée sur les plaines d'Abraham à 19h. Et là, je le dis, je le redis, ça fait une semaine que je le dis, mais ces groupes-là, particulièrement dans la soirée de Beck, c'est des groupes qui valent la peine d'être vus seuls. C'est pas juste des premières parties, c'est pas du remplissage. Cette soirée-là, moi, je la vois comme un tout. Il faut être là à partir de 19h le plus possible. Je sais que c'est quand même tôt là, dans une routine familiale, par exemple, ou d'émission de radio. Mais faut être là à partir de 19h pour découvrir, ou du moins pour voir en spectacle Girls in Hawaii. Phoenix, par la suite, groupe français qui a beaucoup de popularité en Amérique du Nord, aux États-Unis. Moi, je les ai déjà vus, entre autres, à Oshéaga en prestation. À Québec, c'est pas le genre de groupe qui passe. Hein? Ils peuvent... On a ce problème que si on programme, par exemple, Phoenix au Centre Vidéotron, ça sera pas plein. Impérial, ben, c'est trop petit. Alors là, c'est le moment de les voir, mais selon moi, Phoenix, c'est aussi une tête d'affiche dans l'ampleur et dans le succès du groupe. Et là, c'est en première partie de Beck ce soir, donc il faut être là vraiment à 20h. Et j'espère que les gens vont être attentifs. Phoenix, qui fait dans l'électro-rock, c'est toujours bien fait, très efficace. Le plus récent album, Tiamo, a des petites inspirations italiennes. Et c'est en anglais, d'ailleurs, faut le mentionner. Il y a une pièce sur laquelle on chante en français. Je pense que ça m'a pris 4 fois avant de m'en rendre compte. Tellement c'est homogène. Oui, oui, vraiment. On dirait absolument pas que c'est chanté en français. J'imagine que le groupe va nous parler en français. Et la tête d'affiche, eh bien, c'est Beck qui sera là à 21h30 sur les plaines. Première fois à Québec de passage. Et là, l'avantage ou le désavantage, tout dépendant de notre point de vue, c'est qu'il était à Laval il y a quelques jours à peine. Et on peut s'attendre à un concert similaire. Et là, ça va plaire aux festivaliers. L'album Colors est encore très récent, mais ce n'est pas la tournée de l'album Colors. Ou du moins, ce qu'il a fait à Laval, c'est pas ça. C'est plus, on souligne son 25 ans de carrière. Donc, il va vraiment pigé dans ses nombreux albums. On retourne dans les grands succès. Il n'y aura pas que les nouveaux hits. Donc, si vous êtes des anciens fans de Beck, autant que des nouveaux, on peut s'y retrouver dans ce spectacle-là qui sera présenté. En tout cas, j'espère. Je ne vois pas pourquoi il y a deux jours, il fait autre chose. Mm-hmm. Et ce soir, c'est complètement différent sur les plaines d'Abraham. Ce qu'on a retenu, entre autres, du spectacle à Laval, c'est toujours le plaisir que Beck a d'être sur scène. Et on connaît l'effet de la foule des plaines. S'il y a assez de gens avec les petites lumières qui scintillent, c'est certain que Beck, avec son côté adolescent, va s'y retrouver, va être content d'être là, d'être parmi nous, va nous offrir ses chansons. Et j'ai lu d'ailleurs dans une critique, il paraît qu'il y a un moment où il a pris une demande spéciale du public. Il a dit « Bon, mais moi, j'ai rien de prévu. T'es arrivé avec sa guitare, qu'est-ce que vous voulez entendre? » Quelqu'un qui a crié une chanson, et c'est une vieille, donc il a essayé, mais après deux phrases, il s'en rappelait plus vraiment. Donc c'était c'était un essai. Oui, c'était quand même un drôle de moment. Donc je sais pas si on va se lancer comme ça, quoique disons que la distance est un peu plus grande que dans une aréna pour se lancer à la foule, pour que la foule se questionne sur qu'est-ce qui va se passer. Donc Beck ce soir qui sera là, mais comme je l'ai mentionné, c'est vraiment un tout cette soirée. Trois groupes à voir, et si vous êtes pas fan de Beck, allez voir juste Phoenix ou faites quelque chose. Mais tu sais quoi, Tania, moi j'ai prévu d'aller voir Girls in Hawaii, Phoenix, et je vais partir après. Je sais qu'on va me taper dessus. Non, je respecte ton choix. Merci. C'est un excellent choix, Jessica. Mais j'ai hâte de voir, tu quittes pourquoi, par exemple? Je ne sais pas encore. Mais parce que je sais que ce soir, chez les chroniqueurs, on va certainement aller voir Beck. Alors moi, dans ces cas-là, je vais voir ce qu'on va peut-être moins voir, parce qu'on a rappelé un mot-clé. C'est déchirant. Hashtag déchirant ouais. Pour ce festival d'été de Québec. Donc je vais laisser le choix aux autres chroniqueurs d'aller voir Beck. Et puis oui, ça fait partie du festival de se décider un peu en dernière minute de ce qu'on va faire. Mon oncle Serge peut-être à l'Impérial Belle. Ben, c'est un excellent hashtag déchirant, vraiment, parce que mon oncle Serge qui a l'air en pleine forme, je l'ai croisé ce matin là, il devait aller voir Tagada Jones, là c'est section potin. Oui. Il devait aller voir Tagada Jones hier, sont ses amis groupe français de rock avec qui il a fait plusieurs tournées, qui est en spectacle à Lanty. Finalement non, il s'est reposé. Donc mais il a intérêt. Il nous l'a dit hier, il est plus sage qu'on ne le pense. Là, l'image que vous avez de mon oncle Serge en spectacle, c'est pas celui dans la vie. Là. Non, mais il se conserve pour que sur scène, tout explose. Ça donnera tout, c'est sûr. Alors, on aurait pu aller dans la facilité et diffuser Beck suite à cette chronique sur la soirée sur les plaines, mais non, on a envie de vous faire découvrir les groupes qu'on vous suggère fortement d'aller voir ce soir. Allons-y avec Phoenix, on a choisi Love Alive. Yes. I put the best man on it. Give him a chance, I'm gonna do. Yeah, you gotta ask a hell of a lot of questions. The chance of a lifetime. If you gotta trust a guy who's no impersonator, what's the matter with him or you're alone? Yeah, you gotta make it up cause you're the perpetrator. Do you wanna find out? Just set up, hear them right, hear them scream outside. I can't tell you what it's going to be. I'd lie. Out of credit, did I hear you breathe out loud? You know it's in it, see the summit. You know it's in it, see the summit. To see the summit, see the summit. On vient d'entendre Phoenix. Alors là, vous avez eu votre dose de Phoenix pour comprendre de quoi il s'agit. Role Model qu'on vient d'entendre. Et Phoenix jouera, je vous le rappelle, juste avant Beck à 20h sur les plaines d'Abraham. Et à ne pas manquer non plus Girls in Hawaii. C'est vrai que je dis Hawaii parce qu'en France, on dit Hawaii. C'est marrant. Mais bah, c'est bien Hawaii. Je dis Hawaii, mais sérieusement, c'est juste parce qu'il y a deux I. Voilà. Mes deux i, c'est en anglais, donc ça devrait être Hawaï. Bref, je sais pas. Enfin, des petits débats linguistiques aussi dans cette émission, hein, Tania. Et toi aussi, tu as rencontré un peu plus tôt aujourd'hui un artiste qui va jouer ce soir. Un retour dès ce soir des soirées de jazz au théâtre Petit Champlain. On vous le rappelle, du jeudi au samedi, une programmation entièrement jazz. Et ce soir, on commence avec un artiste d'ici. C'est Gilles Bernard en version quartet. Gilles Bernard. Aucune confusion avec le nom Gilles Bernard Quartet. Oui, en effet, il est en spectacle au théâtre Petit Champlain, une belle série de jazz. Faut réserver, hein. Je pense que c'est important de le mentionner pour pas que vous arriviez là-bas et que finalement vous n'ayez pas de place. Et c'est avec le laissez-passer, bien sûr. Et ce soir, c'est un événement un peu spécial. C'est pas juste un concert. Il y a un album qui vient tout juste de sortir qui s'appelle Fréquence 119, ce qui fait qu'on va célébrer, on va le mettre à l'honneur, mais pas seulement que ça. Alors, j'ai rencontré Gilles Bernard un peu et sans son quartet, malheureusement, un peu plus tôt aujourd'hui dans la journée au Café Maelstrom. Donc, on est dans une ambiance jazz parce qu'il y a quand même plusieurs spectacles qui sont présentés tout au long de l'année à cet endroit. Mais ce soir, c'est bel et bien au Théâtre Petit Champlain que Gilles Bernard sera en prestation. À 20h, avec entracte d'ailleurs, ça vous permet de prendre votre temps. Puis si vous avez votre laissez-passer, vous pouvez même attraper le spectacle en cours de route. Alors, pour connaître son univers, voici tout de suite la rencontre de Tania Beaumont avec Gilles Bernard. Le spectacle de ce soir, c'est vraiment un spectacle de lancement d'album. Oui, c'est le lancement d'un nouvel album qui s'intitule Fréquence 119. Cet album-là, je l'ai dédié à... Il y a une pièce qui s'appelle Requiem pour Colette. Et l'album est dédié à ma grande sœur Colette. C'est ça. Fréquence, en fait, c'est une façon... On sait qu'on est sur une fréquence actuellement, alors les fréquences, c'est une façon de communiquer entre les vivants. Mais c'est aussi peut-être une chose, c'est un onde qui voyage dans l'espace à l'infini. Alors, pour ma sœur, peut-être qu'un jour, ces ondes se croiseront. Puis bon, aussi, c'est curieusement, la fréquence 119 correspond à la note si bémol. Et dans le jazz, la note si bémol est quand même une note majeure, là, centrale. Tous les blues sont en si bémol dans le jazz. C'est une note qui revient beaucoup, beaucoup dans la blue note aussi. Voilà, tout ça mis ensemble. Et comment ça va se passer pour le spectacle? Est-ce que c'est uniquement les pièces de cet album-là qui vont être jouées? De deux albums avec le même quartet. Donc, un album qui est sorti en 2016 qui s'appelle Quatre rues du Rocher et Fréquence 119. Donc, on va jouer les pièces de ces deux albums au cours de la soirée. Et c'est un avantage de jouer toujours avec les musiciens, autant sur album qu'en spectacle? Bien, certainement. À force de jouer ensemble, on finit par se connaître et se bien sentir. Surtout que c'est de l'improvisation en grande partie. Alors, c'est important de bien connaître les musiciens avec qui tu joues, effectivement. Mais comment ça se passe pour la composition? Vous êtes vraiment maître de tout ou si les musiciens ont quand même une certaine part? En fait, oui, il y a cinq pièces. L'album, celui qu'on lance, Fréquence 119, il y a cinq pièces. Les pièces sont assez longues, en général, sur l'album, là, de 10 minutes et plus. Donc, c'est pas vraiment l'album de jazz où tu as 10-12 pièces puis qui joue à la pièce. C'est plus, on sent pas trop les changements entre chaque pièce. Compte tenu que les pièces sont longues, il y a plusieurs mouvements. Donc, c'est un peu comme un album concept dans lequel on voyage. Donc, c'est sûr que ce soir, la majeure partie des pièces seront ces pièces-là. Mais bon, pour allonger le concert, on va prendre des pièces aussi de l'album précédent. Mais bon, en fait, c'est comme une continuité, cet album-là, de celui du précédent. C'est comme vraiment dans la suite, là. C'est mes compositions, c'est toute la musique originale. Donc, c'est sûr qu'à ce moment-là, il y a quand même une couleur qui m'appartient, parce que ça fait quand même longtemps que je suis compositeur. Alors, il y a quand même de quoi qui ressort de personnel aussi. Est-ce qu'il y a une certaine influence, peut-être, de musique, de trame sonore, de faire des grandes pièces comme ça, de faire un album peut-être un peu plus court? C'est des pièces qui ont peut-être un petit côté progressif, je pourrais dire, compte tenu qu'elles sont quand même assez longues. Il y a plusieurs sections. Et c'est difficile à expliquer. Écoutez, il faut venir. Venez écouter. C'est parfait. Si vous venez, vous allez pouvoir tout comprendre et entendre. Et sinon, la scène jazz à Québec, ça se passe bien? Relativement bien. Je joue... très peu, en fait. Là, c'est pas, c'est quand même une petite ville, Québec. Il n'y a pas 50 places où jouer, on s'entend, là. Et il y a beaucoup de musiciens de jazz. Puis je pense qu'il y a des efforts qui se font, entre autres, avec Arte Boreal. Il y a beaucoup d'efforts qui se font avec eux pour qu'il y ait de la programmation à l'année dans le jazz. Oui, je trouve que ça se passe très bien. Mieux en mieux, en fait. Il y a une partie de votre travail qui est beaucoup dans la composition, en studio également. Quand on sort, disons, devant les gens, quand on joue sur scène, est-ce que les pièces prennent peut-être un autre sens, le fait d'être en contact d'autres humains? C'est absolument, oui. Le fait d'avoir l'énergie du public qui écoute, c'est vraiment autre chose. On se donne entièrement. C'est important, en fait. Oui, ça fait une différence. Et normalement, dans quelle ambiance vous composez? Est-ce que c'est tout le temps en studio ou il y a des choses? Bien, moi, j'ai mon studio. C'est dans mon studio qu'on enregistre nos albums. Puis je travaille dans mon studio, qui est une ambiance extraordinaire, avec le piano à queue, les plafonds de 12 pieds, puis les rideaux insonorisés. Je peux m'enregistrer. Alors, c'est sûr que je suis vraiment bien installé pour composer. C'est inspirant. Puis je suis dans le Saint-Roch, en plein centre de Saint-Roch. Alors, c'est fantastique. Je suis là où ça bouge. Quand vient le temps de composer des nouvelles pièces, est-ce que c'est l'inspiration qui dit que c'est le temps de faire un album ou c'est plus la volonté de faire un album et là, on se met à la composition? C'est les deux. Beaucoup de mes compositions viennent d'une idée qui naît comme ça spontanément. Ça correspond, mettons, à une période de ma vie ou à des gens que j'aime, des gens que je connais. Puis tout de suite, je vais associer cette idée-là à une personne ou à un contexte. Je vais lui donner son titre de cette manière. C'est beaucoup comme ça que je compose. Si on me demande de composer demain matin une pièce, ça, je trouve ça difficile. Je compose depuis l'âge de 10 ans. J'ai toujours composé de cette façon-là. Je pratique beaucoup. Puis souvent, je pense, à ce moment-là, je vis quelque chose. Un enfant est né ou une personne est décédée ou une belle aventure est arrivée. Alors, le titre, c'est comme si ça allait, tu vois, comme si ça se mariait le moment et avec la musique. Et qu'est-ce qui donne envie de continuer après toutes ces années? Bien, le plaisir de faire de la musique. C'est toujours un plaisir de jouer avec des musiciens. Puis c'est un monde, pour moi, qui est fantastique, là, d'être assis là devant un piano, puis d'improviser, puis de tout oublier. Puis on oublie le temps, on oublie le quotidien. C'est vraiment... C'est toujours fantastique. Et pour ce soir, rappelez-nous qui sera avec vous sur scène. Oui, il y a Thiago Ferté au saxophone. C'est un saxophoniste brésilien qui maintenant habite au Québec depuis quelques années, au saxophone ténor. Louis-Vincent Hamel, qui est de Montréal, qui est un batteur, qui est un drummer, qui est très en demande à Montréal, qui est vraiment en train de se faire un gros nom à Montréal. C'est un excellent drummer. Puis Pierre Côté, un vieux complice depuis plus de 40 ans avec qui je joue à la contrebasse, qui est vraiment un excellent contrebassiste. Puis moi-même, Gilles Bernard au piano. Donc on vous souhaite un bon spectacle ce soir. Oui, bien merci beaucoup. Thank you.

vendredi soir à 22h30 et à 00h45 à l'Impérial Bell. C'est sous le nom de Princesse Princess qu'il va se présenter. Comme vous voulez. Bonjour, Pascal Asselin. Salut, ça, c'est ton vrai nom. Oui. Pascal, quel souvenir tu gardes tes chroniques ici à courir toutes les scènes du Festival d'été de Québec pour critiquer les autres artistes? Je garde plusieurs souvenirs vraiment intenses. Un débit de boisson élevé, peu d'heures de sommeil, courir la ville à vélo. Je venais souvent à vélo. Les canicules mélangées aux orages. Une belle gang de tripeux intenses, là, vraiment. Je m'en ennuie un peu, je dois l'avouer. Ah, mais t'as le temps de parcourir un peu le festival, là? Cette année, oui. Oui, quand même. Là, si je calcule avec ce soir, le Bec et Phoenix, ça va être ma 5e soirée. Donc, c'est quand même bon là, pour le rythme de vie que je mène, de réussir à aller voir des trucs. Bec et Phoenix, bon, Bec, on n'est pas surpris. Phoenix, on en parlait avec Tania Beaumont, les gens les connaissent moins, alors que c'est aussi un groupe à voir, là. Ben oui, puis c'est un groupe qui, ailleurs, est assez géant, en fait. Mmh. Ils font des festivals devant des 30-40 000 personnes ailleurs. Bon, le chanteur qui est aussi le copain de Sofia Coppola, pour les potins plus gros. Et moi, je les ai vus à Cheaga, en fait, il y a 4 ans. C'est incroyable, le show, là. C'est beaucoup plus rock et énergique en live que sur disque, où ils gardent leur côté plus pop, plus peaufiné, en fait. Donc, ça risque d'être de plus nous brasser en spectacle sur les plaines que ce qu'on écoute sur album. Définitivement, parce qu'en plus, à mon avis, en tout cas, si j'étais eux, d'être sur les plaines devant des milliers de personnes qui vont être là aussi pour Bec, ça va les enflammer. Ils vont vouloir aussi laisser une bonne impression à tous ces gens de Québec, justement, qui ne les connaissent pas. Alors, parlons de toi maintenant avec ce projet Princess. C'est pas du millimétrique. Non, il faut bien le préciser. C'est pour ça que je me, entre guillemets, cache sous ce pseudonyme. En fait, ça a commencé un peu en blague, le nom surtout, là, Princess. C'est un chien que j'ai déjà eu. Mais, mais en fait, c'est que je voulais pas mélanger les gens, justement, comme je m'intéresse à plusieurs styles de musique comme DJ. Que je suis mélomane à la base et ancien disquaire, ben, j'aime bien mixer aussi du rock et tout autre style musical. Je l'ai déjà fait sous millimétrique, là, ça faisait un peu confusion, bizarre. Donc, je préférais y aller d'un autre pseudonyme. Finalement, ce pseudonyme-là était associé tantôt à Ezekiel, un autre ami DJ, tantôt à Murdoch, qui est Sam Murdoch. Aussi en solo, il y a eu sous Princess et Murdoch même quelques parutions de morceaux qu'on a enregistrés, de grosses guitares avec des beats électroniques très rythmés. Puis là, il y a une autre affaire qui s'en vient l'an prochain qui va bifurquer peut-être sous ce pseudo-là, peut-être carrément sous un autre nom, là, mais avec les deux gars de Boskorgi. C'est que dans la dernière année, je me suis intéressé beaucoup au rock psychédélique. Mais là, je me demandais comment je pourrais faire pour amener ça autrement et tout. Puis il y a un DJ de San Francisco, en fait, qui s'appelle All Lover. Il est un peu tout seul dans son créneau. Il échantillonne du rock psychédélique et il fait du beatmaking avec. Donc, c'est carrément des rythmiques très hip-hop, des break hip-hop et des break beat avec des guitares de rock psychédélique. Même souvent, il laisse les vocales et tout. Le résultat, il est sublime. Il fait des DJ sets, lui, au lieu de faire ça dans des soirées électro, il fait ça dans des festivals de rock psychédélique un peu partout, surtout aux États-Unis, mais il s'est promené un peu quand même. Puis ça a vraiment piqué ma curiosité et ensuite juste mon goût, mon intérêt. Et puis j'ai remarqué en travaillant, en fouillant en fait, qu'il était tout seul à faire ça. Donc là, le terrain, là, il est trop libre, là. Il faut qu'on l'occupe autrement. Donc, avec les gars de Boskorgi, on est en train de monter un trio justement où on va s'inspirer de lui. Et de tout ça, du beatmaking et du rock psychédélique. Mais moi, au lieu d'être derrière les machines, dans ce projet-là, je vais être derrière la batterie. C'est pour ça qu'on voit cette image de toi voilà. Avec la batterie sur le site du Festival d'été de Québec. Voilà. Mm-hmm. Je trouvais que c'était une photo qui représentait bien là, la tangente que je veux prendre avec ce pseudo-là. Puis, ben, ça ne sera pas comme ça. Ça va être inspiré de ce DJ-là de San Francisco, mais ça ne sera pas copié parce que lui, il n'y a pas de live drums dans ses affaires. Donc, oui, ça s'en vient. On est vraiment excités là, de commencer à travailler là-dessus. C'est un peu aussi vers ça que je vais m'en aller. Comme c'est les amis des deux Lux qui sont là vendredi, je trouvais ça un peu bizarre d'aller mixer de l'électronique là-bas. Et puis c'est une rare occasion de mixer de la musique rock que j'aime, de faire découvrir aux gens. Donc je vais aller un peu en ce concept de beatmaking psychédélique, mais pas de live drums évidemment ce soir-là, parce que c'est pas prêt encore, mais un peu aussi carrément juste de morceaux rock que j'aime du moment, que peut-être les gens connaissent moins. Donc, le dispositif, c'est toi avec tes machines, tes platines? Oui, comme d'hab, comme je faisais un DJ set de millimétrique, mais en style musical, ben là, on est carrément ailleurs. Là, il n'y aura pas de hip-hop ou d'électro là, ce soir-là. D'accord. Et de set différents aussi, hein, parce qu'on rappelle, tu joues deux fois vendredi soir. Oui, en fait, ouais, c'est ça. J'aime bien me donner le j'allais dire le lousse, mais c'est pas beau. Le dernière minute, oui, le dernière minute de voir combien de gens vont rester après, parce que des fois il y a des gens qui s'en vont vers un autre endroit pour festoyer autrement ailleurs. Mais s'il y a beaucoup de gens qui restent, on va voir, on va essayer d'y aller avec un DJ set de rock, mais qui serait dansant à la fois là. Je pense entre autres, il y a moyen de mettre des vieux morceaux de Rapture, des groupes comme ça qui font dans le rock hyper dansant. Donc on va voir. Quand j'ai mis la musique avec Men I Trust samedi dernier, il y a quand même pas mal de gens qui sont restés après. Donc j'ai monté le tempo, puis j'ai eu quelques danseurs jusqu'à 2h15 du matin. Donc, quand même, ils étaient en forme alors. Et oui, c'est sûr qu'après les Deluxe, on s'attend à quelque chose de rock là. Ça brasse tellement. Oui, il faut que ça reste un peu crotté, si je peux dire. Mais Pascal, tu travailles, je sais pas si c'est terminé, mais ça va sortir à la rentrée, un nouvel album de Millimétrique. Oui, c'est la première fois de ma vie, ça va être le 9e album que j'ai mon disque de près aussitôt avant sa date de sortie. Là, c'est plus de 3 mois à l'avance. Donc là, j'ai toujours envie de faire écouter. C'est l'expérience qui paie? oui et non. Oui, un peu, je dirais, mais en fait, j'ai juste pris un peu plus mon temps. Au départ, je voulais sortir au printemps. Finalement, il n'était pas à mon goût encore ce printemps. Puis sortir un disque l'été, c'est un peu ordinaire. Donc, je me suis dit, je le termine quand même fin printemps, début de l'été, mais je me donne le temps et on va essayer la voie de sortir d'abord deux singles et un petit peu un mois et demi après l'album. Donc, 31 août, deux morceaux, 5 octobre l'album. Puis même sur l'album de Millimétrique, cette dernière année d'écoute de beaucoup de rock psychédélique paraît, a teinté beaucoup le disque. Il y a de la guitare sur tous les morceaux. Donc, c'est 9 morceaux, une quarantaine de minutes. J'ai travaillé avec Guillaume Chiasson de Ponctuation et Simon Penneau, donc qui ont assuré tous les guitares. C'est vraiment à la fois excitant et stressant parce que c'est vraiment hyper différent au niveau du style. Là. C'est presque un suicide artistique que j'assume. Un suicide artistique, c'est fort. Ben, dans quand le même. Sens que les rythmiques sont très house et c'est hyper rythmé. Et puis il y a de la guitare partout. Il y a 3 invités à la voix qui viennent teinter ça, qui sont pas des gens du milieu de la musique électronique, qui sont des gens du milieu du rock. Donc tout ça mélangé, c'est comme le label a dit, il a fallu qu'on repaye sur Play pour s'assurer que, puis qu'on regarde le nom des fichiers pour s'assurer que c'était pas une erreur. Ah ouais. Alors ça va nous sortir de notre zone de confort avec Millimétrique. Oui, c'est le plan. J'ai comme été un peu tanné de je voulais me débarrasser. Moi, je suis plus rendu là de les sonorités plus sombres, les sonorités plus ambiantes et plus relaxes. Là, j'avais envie de la feel good music, si je peux m'exprimer ainsi. C'est juste ça que j'ai voulu faire. Puis moi, j'assume pleinement. On va voir après ça ce que les gens en pensent. Mais moi, je suis prêt pour ça. C'est ce que j'ai envie de sortir. T'en as déjà joué des nouvelles chansons? À l'insu des gens, à Men I Trust, j'ai joué 4 morceaux. Puis ça l'a pas vidé le dance floor, donc j'étais assez content. Oui, c'est le premier. Mais il y a personne qui savait que c'était mes morceaux. Donc, écoute, c'est bon signe peut-être, je sais pas, ça veut rien dire non plus peut-être. Je sais pas quoi penser pour l'instant, je suis dans une espèce de flou. J'essaie juste de me vider un peu la tête de tout ça, puis de voir à l'automne comment ça se passe. Là, je vais rentrer dans le tournage des 2 vidéoclips pour les extraits qui vont sortir le 31 août, donc voilà. On a très hâte d'entendre ça, alors, le 5 octobre. Vous allez l'entendre rapidement, inquiète-toi. Pour Millimétrique, et donc, dès la fin de l'été, le 31 août, pour 2 extraits de cet album. Et d'ici là, allez découvrir donc le projet Princess, vendredi 13 juillet, 22h30 et minuit 45 à l'Impérial Bell. En plus, c'est vendredi 13. Ça ne peut qu'être en feu. Ouais, pour toi, c'est plutôt bon signe. Oui, tout à fait. On te le souhaite. Alors, j'aimerais que tu me parles de la pièce que tu m'as envoyée pour illustrer les prestations avec de vendredi plaisir. Soir. C'est justement le fameux All Lover. Donc, All comme Albert et Lover comme un amoureux, son nom. En fait, il a pris un morceau du groupe D.O.C.'s que peut-être certaines personnes connaissent. Et puis, vous allez voir là, ce qu'il refait avec le morceau. On reconnaît le morceau, à mon avis, mais il a quand même juste pris des petits bouts à gauche, à droite, qu'il a échantillonné en boucle. Puis, il a mis un beau gros beat hip-hop en arrière. Beaucoup de reverb, évidemment, parce que c'est un peu sa signature et puis la signature du rock psychédélique. Donc, ça donne ça. Puis, ça donne, je trouve, une bonne idée de ce dont à quoi on peut s'attendre de ma part vendredi. Merci beaucoup, Pascal Asselin. Merci à vous autres. C'est très gentil. Alors, voici If I Stay Too Long et c'est All Over. On vient d'entendre All Over à CKRL 89.1 If I Stay Too Long. Inspiration donc de Princess, le projet de Pascal Asselin que vous pourrez entendre ce vendredi 13. Apparemment de très très bons présages pour ce spectacle à 22h30 et à minuit 45. Millimétrique aussi, c'est le nom, le projet électro de Pascal Asselin. Un album en préparation donc qui sortira à l'automne. On a très très hâte d'entendre ça. Les Deluxe aussi à ne pas manquer. Je me projette déjà dans la soirée de demain. Si vous ne connaissez pas ce duo, couple à la ville comme sur scène, ça déménage, hein. Surtout l'énergie de la chanteuse. Il y a juste son nom de famille qui me revient, Mendes, mais elle est excellente et elle a une énergie incroyable. C'est vraiment elle qui fait le show, autant avec son costume de scène qu'avec ses solos de guitare aussi. Franchement, si vous ne connaissez pas les Deluxe, c'est un spectacle que je vous recommande chaudement. On continue d'écouter Millimétrique, cette fois, vous allez voir, dans quelque chose de très différent, puisque c'est dans son projet électro. Alors le voici. Thank you.

what you mean, it's only me and my team. I got me a misdemeanor. Sorry for fucking the scene up. Sorry for stealing your spot. Sorry for being a prophet. Sorry for saying it that way, but the circumstances made me crack it. I play this shit like it's lottery. I know you like it, don't lie to me. I know you want me and follow me. I know you want your mind out of it. Look, I had to get out the forest, yeah. Me and the homie divorced. Now I sell out the store, yeah. Me and the money deployed, yeah. Don't got no time for no delay. To put my city in the press play. Just like I make it be Sunday. Like one day we be icing. I'm at the will of the young day, but young nigga got no license. You tryna flex on me, okay, but both arms got no prices. I just be high off the light shit. What? Only one man on the mic shit. What? I done got tired and anxious. I need a stack of the profits. Price. My shit is free cause it's priceless. Price. Hang on to it like a life vest. Wanna make it to your top five list. What? Just better become a classic. Like who that? Hair in the air like Bert. Self made man like Sturt. Like who that? Little nigga light of the dirt. Make a moose car on perk. Like who that? North to the land of the free. Wish I watch on sleep. Like who that? Made it up better my eat. Me and my team no sleep. Like who that? Hair in the air like Bert. Self made man like Sturt. Like who that? Little nigga light of the dirt. Make a moose car on perk. Like who that? North to the land of the free. Wish I watch on sleep. Like who that? Made it up better my eat. Me and my team no sleep. No, no, never. Hey, me and my team no sleep. Never. Me and my team no sleep. Never. Nigga. Ooh, oh, ooh. Me and my team no sleep. Nigga. Ooh, hey, me and my. Zach Zoya avec Who Dat, c'est KRL 89.1. Il sera en spectacle ce soir à 19h sur la scène Loto-Québec du Parc de la Francophonie. Et on a pu l'attraper au vol aussi quelques heures à peine avant de monter sur scène. C'est encore Tania Beaumont qui l'a attrapé. Ben, il y a 15 minutes. Voilà. On va le dire, là, il y a 15 minutes. Et ici même sur la terrasse du Sacrilège, voilà, pour parler avec Zach Zoya. Et j'étais bien contente de l'avoir écouté lors de mon défi FEC. Oui. Quelques artistes comme ça sur lesquels je suis tombée, qui finalement n'avaient pas d'album nécessairement. Tu l'as écouté où alors, c'est ça? Je suis curieuse. Sur SoundCloud. Il a un EP fait de manière indépendante parce qu'il a été signé sur l'étiquette de disque 7e Ciel, étiquette de disque qui fait beaucoup dans le rap, dans le hip-hop, qui est basé en Abitibi. Il vient d'Abitibi aussi, donc deux chansons depuis qui sont sorties sur les plateformes, donc un peu plus officiellement, on va dire. Mais sérieusement, j'ai lu des articles ou du moins des mentions qui disaient Zach Zoya est le prochain Drake. Où on le mettait vraiment sur un piédestal, je me suis dit, mon Dieu, ça est mieux d'être bon, tout ça. Et quand j'ai écouté, j'ai été vraiment surprise. Et ce qu'on vient d'entendre, Who Dat, on ne pourrait pas miser sur un jeune de 19 ans qui vient d'Abitibi. Vraiment, on non, dirait c'est pas. Vrai. C'est très, très bien produit, c'est très actuel. Je comprends pourquoi on dit qu'il va aller vite, très rapidement. Il n'y a pas encore d'album de sortie. Des gens ont fait des grandes scènes. Tu sais, il n'est pas à la scène fibre, là. Il est au Parc de la Francophonie, bien placé, bien positionné dans la programmation. Donc, c'est vraiment un jeune rappeur, mais plus que ça. Parce que lui-même, vous allez entendre dans l'entrevue, se décrit quasiment plus comme un rappeur, mais vraiment un son très actuel. C'est ce qui est à la mode présentement. On profite de la veine de popularité du hip-hop avec ce qu'il fait. Mélange aussi avec R&B, qui est très populaire. Donc, Zach Zoya, vraiment un artiste à découvrir. Et on va écouter ta rencontre alors avec lui, Tania. Voici Zach Zoya. Qu'est-ce que tu nous proposes ce soir comme spectacle pour le Festival d'été? Mon show, Zach Zoya, c'est un mélange de R&B, de chansons, du rap un peu hype. Un mélange de jump et de R&B vibes. So. Ça commence bien ta carrière. T'as pas encore d'album complet de sortie officiellement. Déjà, tu fais quand même des gros festivals. Est-ce que ça te met un peu de pression ou justement, t'es peut-être content que ça aille si bien assez rapidement? En fait, c'est plus la motivation à continuer de faire exactement ce que je fais. Là. C'est juste un boost dans ma direction, mais non, à ce point-là, étant donné que j'ai une bonne réponse, moi, je me sens à ma place. Là, dans le fond, c'est un boost là, plus que stressant. Tu as déjà quelques chansons disponibles sur Internet. Est-ce que tu as un album qui s'en vient? Ouais, je suis en train de travailler sur plusieurs projets. Je travaille sur mes propres trucs solo, en plus de travailler avec des producers puis des artistes majoritairement anglophones. Mais des gros trucs qui s'en viennent d'ici la fin de l'été. Mais comment ça se passe? Tu dis que tu travailles avec d'autres aussi, mais avec ton projet, comment tu gères ton temps? Dans le fond, j'ai déjà beaucoup de chansons enregistrées, donc c'est plus une question de structurer maintenant. Donc c'est. Je suis toujours en train de créer un peu, donc j'ai pas vraiment de structure, je vais juste continuer, you know? Qu'est-ce qui t'a donné envie de commencer à faire de la musique? Sûrement les commentaires de mes amis un peu, les encouragements de mes amis qui m'entendaient chanter puis rapper quand j'étais plus jeune, puis qui m'ont dit tu aurais continué à faire ça, type thing. Et pourquoi le rap? Qu'est-ce qui t'a dit, ben tiens, je vais prendre un crayon, je vais écrire des mots? Le rap parce que c'est la musique qui me parle le plus à moi, puis c'est ça que j'écoutais moi-même, donc c'est sûr que je vais dans mes influences, mais tu sais, comme je dis, c'est vraiment pas juste rap, là. Maintenant, je suis à un point où c'est quasiment 50% rap, 50% quelque chose d'autre, donc je me classifierais même pas comme un rappeur à ce point-là, you know? Et comment ça se passe, le mélange des genres? Il y a beaucoup de R&B, entre autres, dans ta musique. Est-ce que c'est la musique qui guide ce que tu fais, ou c'est justement les producteurs qui t'amènent des rythmes, ou c'est les thèmes que tu abordes qui font que tu as envie d'aller dans certains styles musicaux? C'est la majorité du temps, c'est la musique elle-même, là, le son, puis ce que moi ça m'inspire, le son en tant que tel. Mais c'est sûr que des fois que j'essaie d'arriver avec un concept précis pour une chanson, de parler de quelque chose en particulier, mais en majoritairement j'utilise juste la chanson puis ce que ça m'inspire, là. Et comment ça fonctionne? Est-ce que toi, t'as un texte, après ça, t'apposes une musique, ou c'est une musique qui t'inspire quelque chose? Ouais, non, la majorité du temps, c'est j'écris sur la musique, ou des fois, on construit la musique ensemble et après, j'écris sur la musique. Mais c'est très, très rare que j'aie un texte d'écrit et que je mette ça sur une musique après, non? Et pour ce qui est du spectacle de ce soir, tu présentes tes chansons, évidemment, mais sur scène, là, ça va ressembler à quoi? Est-ce que t'es seul? Est-ce que t'as des musiciens? Sur stage, j'ai mes boys, I got my DJ Bougo, j'ai mon hype Maki, on va tous être là sur le stage, on va donner un good vibe, on est là pour jumper, on est là pour donner un good vibe à tout le monde, pour que les gens s'amusent, donc exact. Oui, donc dans quel état d'esprit on va voir ton spectacle? Faut être prêt à bouger? Faut être prêt à bouger, faut être prêt à écouter aussi, surtout à enjoy la musique, il y a des vibes qui sont un peu plus calmes, faut aimer les mélodies, mais ouais, c'est sûr qu'il faut que tu sois prêt à bouger, là, parce que on va essayer de foutre le feu, là. Et là, ce soir, ça reste un gros spectacle au Festival d'été. C'est pas le seul de l'été, mais qu'est-ce qui s'en vient? On parlait de trucs qui vont sortir, mais disons, là, de 6 prochains mois, là, si on regarde ton agenda, qu'est-ce qui s'en vient pour toi? Plusieurs shows. Je fais des trucs en Abitibi, d'où je viens, Frima, le FME. Je m'en vais dans le coin de Toronto faire un festival aussi. Vers la fin de l'été, on a beaucoup de trucs à Montréal, Laval, dans les environs. Donc là, on a vraiment des grosses salles, puis on a des gros shows qui s'en viennent. Et l'album, on en a parlé, mais est-ce que tu as une date? Est-ce qu'on sait quand ça sort? Il n'y a rien de vraiment encore. Rien de sûr. Rien qu'on peut confirmer à ce jour, exact. Mais est-ce que tu as hâte? On parle beaucoup d'albums, bon, peut-être parce que je suis un peu plus vieille que toi, là, c'est un peu plus classique ou disons traditionnel, mais est-ce que toi, ça te convient, cette manière-là? Disons, je sais que tu avais un EP indépendant sur SoundCloud, des chansons à la pièce. Est-ce que toi, ça te convient, cette méthode-là? Cette méthode-là, ben, c'est sûr que la structure de comment on release la musique beaucoup changé. Donc, même quand on dit un album, ça veut pas nécessairement dire la même chose un album maintenant qu'un album il y a 10 ans ou quelque chose. Donc, même si je dis je travaille sur un album, ça risque probablement de sonner ou d'avoir de l'air plus comme un EP ou un mixtape. Si je suis encore au début, donc, et surtout que les albums, je trouve que maintenant c'est beaucoup moins de chansons. Donc, on fait des beaucoup plus courts albums parce que la musique ça passe tellement rapidement, puis ça va tellement partout. Donc, ça me convient la structure, mais c'est sûr qu'il faut s'attendre à quelque chose qui est peut-être pas la définition conventionnelle d'un album, you know, peut-être plus un tape, un mixtape, un EP, you know. Donc c'est... Et toi, tu la consommes comment, ta musique? Sur les réseaux sociaux, comme un peu tout le monde, j'imagine. J'essaie de rester aware de toutes les tendances et tout, mais je suis aussi involved dans le monde de la musique localement de où je viens, donc j'ai beaucoup de... C'est sûr, je m'en vais beaucoup en studio avec des artistes locaux. Je suis inspiré par beaucoup de mes amis qui font de la musique aussi, donc il y a cette partie-là qui rentre en jeu aussi, là, c'est sûr. Et on va surveiller, peu importe les sorties d'albums, de mixtapes, de simples. Zach Zoya, merci beaucoup. Ben, merci beaucoup, là. On vient d'entendre Zach Zoya en rencontre avec Tania Beaumont. Donc, on rappelle, Zach Zoya jouera ce soir, 19h, au Parc de la Francophonie. C'est vraiment lui qui ouvre la soirée rap hip-hop au Parc de la Francophonie ce soir, puisqu'il y aura ensuite à 20h London on That Track et Machine Gun Kelly. Ben tiens, Jean-Claude, viens t'asseoir avec nous. Je ne sais pas si tu connais ces artistes de la scène rap ce soir au Parc de la Francophonie. Bonjour, Jean-Claude. Salut. Jean-Claude, est-ce que tu connais London on That Track et Machine Gun Kelly? J'ai écouté un peu London on That Track. Je peux pas t'en parler longuement, j'ai pas l'historique devant moi, mais j'ai trouvé ça quand même assez intéressant, assez pour me dire que si ça avait été dans une autre soirée, c'est sûr que je serais allé voir ce line-up-là ce soir. Et Machine Gun Kelly, qui quand même a quelques hits au palmarès, pour les gens qui aiment le bon rap, sans nécessairement que ce soit trop électro-rap, où il y a vraiment quelque chose d'old school dans les trois formations, les gens vont se retrouver. Donc, c'est vraiment des belles découvertes à faire si vous ne connaissez pas et si vous appréciez leur rap. Moi, tout ce que je sais sur Machine Gun Kelly, c'est qu'il a déjà reçu un powerbomb dans une soirée de lutte télévisée. Ah, parce que ça parlait de lutte, tu le sais. J'ai des contacts. Est-ce que c'est une soirée rap qui, a priori, va vraiment attirer les foules au Parc de la Francophonie? C'est une bonne question. J'espère que oui, en fait. Parce qu'on a eu un peu de rap ici et là. Je pense que c'est un bon moment. Puis on est jeudi, hein. C'est le moment où on reprend le dernier week-end puis on décide de sortir. Fait que je pense que c'est un bon moment, oui. On en a quand même eu un peu hier dans la soirée électrofec, un peu de rap. Mais là, on parle vraiment de rap plus standard, si on veut. Donc, c'est pour ça que je mentionnais que c'était un peu old school. Moi, j'espère que les gens vont être au rendez-vous. Et je pense qu'on va être là si on se déplace aussi à 19h parce qu'on a cette curiosité du rap québécois. Mmh. Hein. On le sait que sur les plaines, Future a attiré beaucoup de gens, mais Lard, les gens étaient là pour lui aussi. Je sais qu'à la Claire, dans les prochains jours, ça risque d'être aussi assez festif. Et je pense que les gens ont entendu le nom de Zach Zoya et vont aller faire un tour pour le découvrir. Il n'y a pas encore d'album. Là. Ça commence. C'est là qu'il faut aller le voir pour dire « Moi, j'étais là au début. » Il y a seulement que deux extraits, dont un qui est vraiment qui commence à vraiment faire beaucoup, beaucoup d'intérêt et de traction, si on veut. Là. Il y a de la presse étrangère qui a déjà parlé de ce single-là. Ah, donc, oui. On s'enligne avec quelque chose de spécial. En plus, qui vient de Rouen, ben, un peu dans l'entrevue qu'on vient d'entendre. Je pense que les gens, ça pique leur curiosité. Il y a un très bon anglais, il y a une belle attitude. Quand même assez positif. Moi, je pense que effectivement les gens vont se déplacer, mais c'est un tout nouveau. Hein. Il vient de sortir, fait que l'album s'en vient. Du rap, du hip-hop plus généralement, il n'y en aura pas seulement au Parc de la Francophonie, également du côté de la scène FIP. Dans quelques minutes, hein, à 17h, on va accueillir le groupe gagnant des Francouvertes cette année, l'AF, avec un projet électro-hip-hop, hein, parce qu'on va dans les amalgames de styles aussi. Ils sont 6 sur scène, plusieurs rappeurs, donc ils sont 3, BK, Mentis, Jamaz et 3 beatmakers. Je vois de voir l'orthographe, puis j'ai un doute. Benjamin Lloyd, je dirais, Oclaz et BLVDR. Voilà, c'est assez difficile. Boulevard, enfin, Boulevard ouais, sûrement. Ouais. Voilà, on nous met des petits défis. Formation de Montréal qui présente ce soir alors deux albums qui sont gratuits sur Bandcamp. C'est assez intéressant aussi. Avant même de se faire connaître à travers les Francouvertes, ils proposaient déjà ça sur Bandcamp. Vous savez, vous proposez votre prix, donc vous pouvez mettre 0 comme vous pouvez mettre 500. C'est quelque chose qu'on voit fréquemment maintenant sur Bandcamp. Pour la découverte, je pense que c'est une bonne idée. En tant que premier album, c'est ça. Salut, en tant que, pour, excusez-moi de, il y a pas de problème. De couper Jean-Claude. Juste à penser à Run the Jewels, quand ils avaient starté le collectif, c'est comme ça qu'ils ont fait. Ils ont propagé partout, ils ont donné une gratuité. Ils avaient déjà fait leur nom chacun de leur côté, mais tenez, on vous offre ceci. Et plus près de nous, Mister Valère, qui était comme leur... pionnier. Oui. En fait, le même premier parallèlement pionnier, en même temps que Radiohead, c'est ça. Ils l'ont fait quasiment en même temps que Radiohead. Donc c'est une super façon, oui, de se présenter, en plus de gagner Francouverte. Un groupe quand même rempli d'énergie. C'est pas un rap très laid back. Les gars, ils sautent partout. C'est un show à voir. Je me demande même s'ils font pas du cirque. En tout cas, bref, allez voir sauter un peu partout. On se pose des questions. Mais l'AF, oui, effectivement, c'est un bon début de soirée. Alors l'AF ou l'AF, parce que l'AF est oui, plus écrit en majuscule. En tout cas, mais on se pose toujours des questions sur les prononciations aussi dans cette émission. Ben, j'ai parlé tout à l'heure avec quelqu'un proche du groupe et elle disait l'AF. Bon, on va suivre à elle. On est sur le coup. Alors, le tout dernier album s'appelle Jello. 6 chansons à découvrir, disponibles sur Bandcamp, comme je vous le disais. On va en écouter un extrait. Voici Plush, l'AF. Hey, doux, sucré, matin, moté, mote, montrer mon smile plus cheese pour que tu me renvoies ces mêmes feels. Ensemble faisons fit ce whole portrait de vie qu'on lit a couple times a week. Doux matin maudit, tu m'as manqué, check it, peace. Bye. chercher le bonheur, j'ai trouvé le soleil pointe sans brûler. J'ai ce monde la vie devant moi, je crains les yeux brouillés. La tête sur le balcon, rien peut me saouler, je mate la pluie, la tête embrouillée. Merde, le vent est soin comme des yeux doués. Pas besoin de dessin, la fille m'a eu devant les siens, le temps se verrouille. Hey, fais-moi vivre encore avant que je sois roulé. Avant que notre navire touche le fond, profite du love, mais faut pas se grouiller. Sweet, je sweet, je suis sweet, sweet, sweet, money. Découvert, j'ai pas l'envie de bouger. Sweet, money. Café sur la table, puis t'en trouves pas le fait. Systématiquement, si j'ai pris le chemin de la colline pour joindre mon chant au courbateur de minuit. Destin, je pourrais pas prendre la fuite. Je vais être témoin du réveil, je casse les carottes se cuit. Chauve, souris, me souris souvent. Là, je peux vivre au gré du soleil. Une bouteille au lard pour animer l'étincelle de baiser des plus brûlants. Malheureusement, vraiment éternel. Honnêtement, souris tendre à l'ombre, dans la tête à l'envers. Quel genre de mess ce serait si je portais juste des pantalons beige? Juste ta pose sur moi. Pour ta dans les choux, j'tout gommé pour bloquer les choux. On m'a demandé de planter des choux à la mode chez nous sans échouer. Ça me va ici qu'on met sur mon front les gouttes perles. Laisse bronzer la couenne puis boire des bières tant que le soleil le permet. Le temps est clément, j'peux pas rester devant la télé. Un nuage de salon, ça fait un coup qu'on le laisse traîner. Des pantoufles dans les choux, des bruits de terrasse dans la tête. What a nice day, comment j'vais trouver l'envie de bouger. Le temps est clément, j'peux pas rester devant la télé. Un nuage de salon, ça fait un coup qu'on le laisse traîner. Des pantoufles dans les shoes, des bruits de terrasse dans la tête. What a nice day, comment je vais trouver l'envie de bouger. Sweet, je sweet, je suis ce sweet, sweet money. Ah ouais, dans la découverte, j'ai pas l'envie de bouger. Sweet money. Café sur la table, puis t'en sont pas le plein. Sweet, je sweet, je suis ce sweet, sweet money. Ah ouais, dans la découverte, j'ai pas l'envie de bouger. Sweet money. Café sur la table, puis t'en sont pas le plein. Alors, on vient d'entendre l'AF avec Pluche à CKRL 89.1, extrait donc de ce EP disponible gratuitement sur Bandcamp si vous voulez aller voir ça. Mais avant ça, je vous conseille quand même d'aller à 17h à la scène FIB au cœur du FEC, puisqu'ils vont être en spectacle là-bas. Et juste après, Birds of Bellwoods, retour au Festival d'été de Québec, parce que l'année dernière, c'était comme une résidence. Ils ont joué 3 soirs de suite. Ils sont venus ici au Sacrilège déjà en entrevue. Alors, de toute évidence, il fallait qu'on les accueille à nouveau. Aujourd'hui, on est avec Stevie et Chris. Bonjour à tous les deux. Bonjour, merci. Bonjour, merci. Ils parlent français tous les deux, un petit peu. Un petit peu, mais il y a beaucoup en anglais. Bon. Amy, non. Chris, rien du tout. Mais on a Jean-Claude qui est resté avec nous pour faire la traduction quand ils en auront besoin. Birds of Bellwoods, quel souvenir vous gardez de ces 3 jours et plus passés au Festival d'été de Québec l'année dernière? What memories did you keep out of that residency of 3 nights last year? Honestly, I learned very quickly that people in Quebec City know how to party very well, so I don't have that many clear memories of the last time we were around. What I do remember is how wonderful, welcoming, and kind the audience was and how ready they were to dance. So Stevie, I had a lot of fine memories. Stevie explique qu'il a rapidement réalisé que les gens aiment faire la fête à Québec et donc malheureusement ne se souvient pas tant de choses que ça, mais c'est des gens très, il se rappelle que c'est des gens très chaleureux et qui ont aimé leur expérience l'an dernier. Et Chris? We made several friends that we are still friends with today, that we visit back and forth with every time, and it was wonderful to meet them, and everyone was just really friendly and wonderful to us. So. Se sont liés d'amitié avec plusieurs personnes avec qui ils sont encore en contact et qui visitent encore ici, et donc tout le monde était bien gentil. Des gens dans le public ou d'autres artistes du festival? Was it artists or was it fans? New fans. New people who had not heard us before. But then became our friends quickly. We didn't meet too many other artists. We knew a few of them already. But, yeah. Donc majoritairement des fans qui ne les connaissaient pas, qui les ont découverts. Ils n'ont pas eu la chance de rencontrer d'artistes tant que ça. Ils en connaissaient, mais c'était surtout des fans avec qui ils sont liés d'amitié. Alors pour tous les gens qui nous écoutent et qui veulent devenir amis avec eux, c'est quoi le secret pour pouvoir voilà, garder contact comme ça? Il faut aller les voir après le spectacle. So for the audience that's listening right now, what's the best way to be friends with you guys? Should they come and see you and contact you after the show? Ouais, absolument. C'est pas un secret. We're very friendly people and we love seeing people get involved in our work and we're always very excited and flattered to see how our songs have moved other people, and I don't think we're very afraid of letting ourselves be seen by the public, so the more the merrier. Donc ils n'ont pas peur de leur public, ce sont des gens qui, avec qui ils sont, c'est facile de prendre contact avec eux, toujours intéressant pour eux de connaître les nouveaux fans et les gens qui apprécient leur musique et de communiquer avec eux. Also, oui. the best way to get in contact with us and to experience us is live. Hopefully, but you can also find us on Spotify, Apple Music, YouTube, Instagram, Facebook. You follow us on there. There's a lot of fun stuff that happens all the time that's in addition to just the music. Et donc Chris dit que la meilleure façon de les rencontrer, c'est aller les voir en spectacle, mais si c'est pas possible, il y a toujours moyen de les contacter par réseaux sociaux, l'internet et tout leur réseau social. Quel groupe accessible! Je crois que les autres membres nous ont rejoints ici au Sacrilège. Si vous voulez venir les voir, la 447 rue Saint-Jean, venez vite. Et justement, en parlant des plateformes de diffusion, Birds of Bellwood sur Spotify, vous avez sorti 3 nouvelles chansons, ce qui laisse, j'imagine, présager un album. So right now on Spotify, as we're looking, since we're talking about social media, we can see on Spotify you lately released 3 new songs, so we're guessing that there's a new album coming, yeah? Une autre chanson at the end of the month, actually. We're going to be releasing the fourth song from Victoria. Now our album Victoria is a 10-song album that we're looking forward to releasing sometime in the late fall or beginning of the winter. And if you come to the show tonight, you're going to hear a lot of songs from that album. Donc il y a quand même une quatrième pièce qui va apparaître à la fin du mois et l'album se nomme Victoria. Il va apparaître probablement fin d'automne, début d'hiver. Ils vont jouer les 10 extraits ce soir si les gens se présentent. C'est les pièces du nouvel album qui vont jouer ce soir en spectacle. Wow, donc ils vont jouer l'album entier ce soir. C'est extrêmement rare avant qu'un album sorte. Pourquoi ce choix? So you'll play the full album tonight? I think everything but 1 or 2 songs. Okay, and it's rare in a festival that bands present mostly new material. Is there a reason why you're choosing to present mostly new material? Well, part of our development has been going less as an acoustic band and more as an electric band, and basically just a lot of the songs that we play now are electric, and they happen to be the ones that haven't been released yet because they're on the new album. So it's like we're very much about our live show, and it's like the album is a reflection of that. So. Comment je peux dire because it feels good. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Donc, l'idée, c'est que le groupe veut se détacher un peu du côté un peu folk et acoustique. Et ils ont un côté très électrique. Et puisque l'album est très électrique et en spectacle, c'est très électrique. C'est une des raisons pourquoi ils veulent présenter ça. Et Stevie ajoute, parce que ça fait du bien aussi de jouer électrique sur scène et les nouvelles pièces. Mais ils nous en parlaient déjà en entrevue l'année dernière. On a l'impression que plus le temps passe, plus ça devient électrique, plus rock aussi. Pourquoi? Ça vient comment? Ouais. So last year you were sort of already transiting towards electric and more rockish music. How is this coming about as a band? Honestly, a lot of the songs that ended up on the album were songs that we tested for the first time here in Quebec City at Festival d'été. And we've only gone further in that direction, and also I think we've found a way to take all of these songs that were kind of satellites before in the set that we played here and find a way to make it into one cohesive unit. So I think the difference this year is that you're going to see what those songs can do when they're sharpened and they have a laser focus. Donc, les pièces, en fait, c'est des pièces qui sont tirées du spectacle un peu de l'an dernier. Cette année, ils vont nous présenter quelque chose qui est beaucoup plus focusé et vraiment 100% dirigé vers cet album-là et cette performance-là. On va écouter un des extraits de l'album déjà sorti. Il s'agit de Let You Go. Est-ce qu'ils peuvent nous en dire un petit mot avant qu'on l'écoute? So we'll listen to Let You Go. Is there something that you can say about this song? C'est peut-être mon favori sur l'album. C'est la première chanson that we recorded when we were making the album. I'd say it's maybe the hardest rock out of the spectrum of the album. And here in Toronto, or back in Toronto and a few other places, we're starting to hear it on the radio. It's the first song we've ever had chart. So that's been... C'est très cool. Il nous explique que Stevie, c'est sa pièce préférée, c'est la première pièce qu'ils ont enregistrée, c'est aussi la pièce peut-être la plus pesante de l'album sur Victoria, mais c'est aussi une pièce qu'ils sont très contents puisque c'est une des premières pièces qui commence à faire du millage sur les radios présentement un peu partout. Alors merci beaucoup Stevie et Chris. Merci. Bon spectacle ce soir. Amusez-vous bien. Ça sera à la scène FIB 18h30, un spectacle gratuit, donc allez-y pour voir Birds of Bellwoods. Voici Let You Go. Like the walls we used to share. Are you holding on? 'Cause I'm getting scared. That I'm not strong enough to say goodbye. Cultural journey. Excursión cultural. Gita culturale. Hello.

I know you think that I am over you, but I have just better things to do than crying over you. I really got to move on with the love that I keep around. I got my life and I'm a fire. I got my voice to make it higher. Show me the way I could be stronger. Life's too short to look down at you. Things gonna be alright. City runs into my dreams. Darling, I look up at the sun, the rising of another dawn. I got some time to sing the love. I got no time for you on board. I'm not angry with you, boy. I just really wanna move on. Things gonna be alright. Things gonna be just Jane avec All Right, c'est KRL 89.1, dernier, tout nouvel extrait, le plus récent, en attendant l'album Soldier qui sortira le 24 août prochain. Et je vous le rappelle, elle sera en spectacle le 26 octobre à l'Impérial Bell, mise en vente des billets demain midi. Mais on vous offre une paire de billets à CKRL et c'est le moment où je vous dis que vous pouvez déranger mon metteur en ondes, puisque là je vais me retrouver avec les chroniqueurs dans quelques instants. Si vous voulez repartir avec une paire de billets avant même que la mise en vente commence demain, c'est maintenant. 88-640-1586, 88-640-1586, on prend le deuxième appel et ça sera le gagnant. Jean-Claude, tu as une chronique à faire donc tu ne peux pas appeler maintenant. On était déjà déception. Sur nos téléphones. Et oui, je vois ça. On se bat pour ça. Alors, de retour autour de la table, Harry, Tania et Jean-Claude qui couvrent le Festival d'été de Québec pendant toute la durée, je vous le rappelle, de ce festival. Une semaine. Ouais, ça y est, oui, ça fait déjà une semaine. Officiellement, oui. On va attaquer notre dernière ligne droite dans ces prochains jours. Tania, qu'est-ce que tu es allée voir hier soir, toi? J'ai fait des drôles de choix de vie. Non, c'était bien quand même. Hubert Lenoir. J'ai commencé par ça parce que je voulais voir qu'est-ce qui se passait avec Hubert Lenoir. Est-ce qu'il allait remplir le Place Diouville? Oui. C'est la réponse. Donc, ça a été fait, ça a été complet. C'est quand même rare pour un artiste qui n'est pas la tête d'affiche. Hein? On l'a vu avec Jane, par exemple. Mais pour Sax Machine, qui était juste avant, c'est pas complet. Alors que là, Hubert Lenoir a réussi à remplir la place avant même qu'il soit 19h30. Il avait 7 musiciens avec lui sur scène. Je pense que c'est une force d'Hubert Lenoir de savoir s'entourer. Lou Adriane Cassidy, qui joue quelques instruments et à la voix qui l'accompagne. Vincent Gagnon au piano. André Larue, qui est au saxophone. Alexandre Martel à la guitare. Champoint, une autre guitare ou une basse. De quelqu'un qui joue de la basse là-dedans. Cédric Martel jouait de la basse. Cédric Martel, qui est là. P.E. Baudouin. À la batterie. À la batterie. Et Hubert Lenoir, à la performance, c'est le cas de le dire, parce qu'il l'a lancé très fort. Je pense est-ce que c'est une mode que moi j'ai manqué de commencer avec ton gros hit? Parce que Patrice Michaud a fait Kamikaze d'entrée de jeu. Et moi, j'ai trouvé ça audacieux. Et hier, Hubert Lenoir commence avec bon, un espèce de truc un peu chaotique. Et après ça, Fille de personne 2 tout de suite. Ouais. Ben, si j'ai bien compris, si je me rappelle bien le track listing de l'album, ce qui a joué, c'est la 1. Plus oui. que Fille de personne 2. Exact. Donc, c'était l'intro. Ouais. Mais Fille de personne 3, il me semble, est arrivée plus tard. Elle était plus oui, tard, elle ouais. était plus tard. Donc, on n'a pas suivi forcément cet ordre-là non plus. Est-ce que c'est une mode? C'est une bonne question. Je pense que c'est dans le confort de l'artiste de se présenter comme ça. Puis aussi, il y avait comme une courte entre parenthèses performance, bien qu'il a bien utilisé son temps pour faire une super performance. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup aimé le fait de son énergie, l'électricité de sa performance. Ouais. Il a vraiment réussi les pièces. Oui, il y avait un super band. Ils ont aussi annoncé qu'il sera le 21 décembre à l'Impérial. Je crois que je vais me déplacer. Moi, j'avais adoré l'album. J'aimais beaucoup aussi le personnage et le garçon qu'est Hubert Chiasson. Et donc, je trouve qu'il a vraiment bien rendu cet album-là, ce personnage-là, bien ouais. que c'est lui, mais ça reste quand même un personnage. Et puis, je crois qu'il est très proche du public. C'est ce que je trouve encore plus intéressant. Il parle à son public, le public réagit, il va les voir, il va discuter avec eux. Donc, c'est vraiment à surveiller. Je pense que ça s'en vient quelque chose de très intéressant. Il va proche d'eux, même sur le toit des abribus. Oui, alors franchement, j'avais un pronostic à moi-même de savoir qu'est-ce qu'il pouvait faire qui allait nous surprendre. Et j'avoue que l'abribus, je n'y avais pas pensé. Il a vraiment grimpé dessus, il s'est mis à califourchon, il a fait sa scène d'amour avec l'abribus. Puis il a lancé des doigts dans les airs et il est redescendu. C'est vrai qu'il y a une performance, mise en scène, personnage, la provocation aussi qui est toujours présente. Irrévérencieux, je dirais, parce qu'il a mis au clair les choses qu'il voulait qu'on le laisse tranquille avec son identité sexuelle, identité de genre, peu importe. Hein, c'était très clair. Donc, le Journal de Québec en a parlé tout de suite après. Ça, c'était, c'était certain. Et il a enchaîné avec, justement, une pièce qui parle de l'identité de la sienne également, donc c'est une nouvelle chanson, mais vraiment, on est dans une ambiance très, très dansante, c'était groovy, parce que je sais pas si ce projet-là était destiné à avoir une si longue vie, mais clairement, il y a déjà du nouveau matériel, donc je pense qu'on s'est laissé emporter par l'engouement de tous les côtés. Et comme tu dis, Jean-Claude, la réaction du public, l'osmose qu'il y avait, hein, la moindre chose que disait Hubert, le public approuvait. Il a pris le temps, ça m'a fait sourire que Tania prenne le temps de nommer tous les musiciens, parce qu'Hubert Lenoir l'a fait aussi en fin de spectacle. Il a dit « ça prend du temps, mais je veux le faire ». Et je trouvais que c'était une belle façon de mettre à l'honneur ces artistes de Québec qu'il veut représenter aussi et qu'il l'accompagne dans ce projet. C'était très fort de voir ça hier à la place d'Youville et un public super réceptif, qu'il l'ait découvert dans la voix ou ailleurs. On voyait qu'il y avait des gens qui le connaissaient à travers le Pantoum, à travers d'autres scènes plus alternatives, comme il aime les appeler aussi. Mais ce qui aide beaucoup aussi, c'est qu'il y a un super bon album, des très bonnes chansons. Ouais. Et puis, bien que c'était peut-être pas planifié comme Tania mentionne, je crois qu'ils ont vraiment saisi l'opportunité de poursuivre ce projet-là et d'y aller à fond. C'est lorsqu'on se met en abîme que des fois les plus belles choses arrivent, et c'est clairement ce qui est arrivé avec ce projet-là. Parce qu'il ne faut pas l'oublier, c'est quand même un projet parallèle avec Noémie, qui est sa copine, qui a sorti un bouquin. Donc, il y a un lien à faire avec tout ça. C'est... Bref. Comment dire ça? Un opéra rock moderne? Voilà. Ouais. Ou opéra album, je ne sais plus. Mais effectivement, il y avait tout un concept aussi autour de cette sortie. Mais avant ça, on avait oui. beaucoup parlé aussi du groupe qui jouait avant, à savoir La famille Ouellet, s'attendre. À quoi oui. s'attendre? Je suis encore ambivalent si j'aime ou si j'aime pas. Ils sont capables du meilleur comme du moment le plus un peu awkward, si je peux dire. C'est qu'ils vont sortir une chanson qui est très mélancolique, un peu triste, et après on y va avec dans le loufoque pour ensuite faire une chanson un peu plus électro. Je trouve qu'il manque de direction. Je comprends l'idée. J'ai hâte qu'il y ait un autre album qui soit capable de monter peut-être un spectacle beaucoup plus homogène ou mieux dirigé avec un pacing beaucoup plus intéressant. Je trouve qu'on passe du coq à l'âne. J'aime le côté justement loufoque, le côté on se prend pas trop au sérieux, mais c'est parce que des fois, justement, ils arrivent, ils jouent un morceau ou un bout de chanson et c'est dans les dents et ça rentre, la virtuosité est là, ça fonctionne. Mais tout de suite après, il y a un moment, il y a une longueur, il y a quelque chose. Non, j'aurais besoin d'un bon réalisateur avec ce groupe-là, qu'on ait une bonne conversation, on décide où on s'en va, puis on reste dans ce créneau-là. J'aime qu'ils utilisent le loufoque, j'aime qu'il y ait de l'électro, j'aime qu'ils fassent des pièces un peu plus justement mélancoliques, un peu plus tristes, des ballades, ça fonctionne aussi, mais dans l'ensemble du spectacle, moi, je suis encore ambivalent, comme je dis, je sais pas si j'aime ou j'aime pas. Et puis, ça, c'est pas le band de Karim et Saramé, là. Non. C'est pas ces Ouellettes-là. Oui, non, c'est pas ces Ouellettes-là. Non, j'étais pas là, je l'ai raté. Ouais. Non, ce n'est pas cette famille-là. Il n'y a aucun Ouellette dans la famille, comme on disait avec Tania hier lors de l'entrevue. Mais pour les avoir rencontrés, il y en avait 4 sur 6. Et la description du spectacle, c'est à peu près ça, l'entrevue. Ouais, aussi, c'est ça. Autant il y a des moments sérieux. Et ben, moi, je pense que ça vient vraiment de l'improvisation pour en faire depuis très, très longtemps, pour côtoyer des gens. Et on est capable du meilleur comme du pire. Mais quand on est bien dirigé, ça vaut la peine. Je pense qu'il manque un peu à ce groupe-là parce que, je veux dire, c'est pas des mauvais musiciens, c'est pas des mauvais chanteurs, c'est pas quand ils font quelque chose de bien, ils font très bien, mais il manque de constance dans cette performance là. Donc à revoir pour la famille Ouellette. Ouais, c'est pas peut-être que si pour les fans ils ont apprécié parce que la foule commençait s'entasser pour Hubert Lenoir un peu tout au long de la performance et les gens avaient l'air d'apprécier, ils trouvaient la musique dansante quand ils font leur partie un peu samba ou ce qu'ils reprennent des chansons dont elle de Gabriel des Trois Maisons, c'est quand même drôle, ça fonctionne, c'est bon, mais justement aligner une balade tout de suite après ça tue le spectacle, c'est comme les montagnes russes. Sur le rythme aussi, effectivement. Et après Hubert Lenoir, c'était Claude Pelgag. Est-ce que le monde est resté, Tania? Oui. C'était quand même assez plein encore. Il y a peut-être eu un changement de vague. Hein. Des fois, ça arrive, des gens qui quittent, d'autres qui reviennent, mais c'était encore très bondé pour Place Diouville pour voir Claude Pelgag, toujours scintillante, toujours argentée, toujours lumineuse. Là, je parle pas d'elle, mais vraiment de tous les costumes. Mais elle l'est aussi à travers tout ça. De nombreux musiciens, toujours la section de cordes. Claude Pelgag, ça sort pas en trio. Là. Quand ça débarque, tout le monde est là. Et elle nous a joué beaucoup de pièces de l'album L'Étoile Thoracique, nécessairement, du moins dans le début du spectacle, parce qu'après moi j'ai changé de scène, mais on a retrouvé du pur Claude Pelgag qui parle au public avec des fois des discours qui peuvent sembler un peu déconstruits, mais là c'était très drôle parce qu'elle nous disait, à chaque fois que je joue au Festival d'été, je joue à Place Douville, tu sais, puis là j'ai dit dans le Journal de Québec que j'aimais ça jouer ici, mais c'était le titre. Jean-Claude Pelgag aime Place Diouville. Donc là, je suis confinée jusqu'à la fin des temps à jouer à Place Diouville. Donc, c'était quand même drôle, mais c'était son humour, mais ça exprime vraiment le genre d'interaction qu'elle a. Elle nous a dit que c'était important aussi de faire attention aux abeilles, parce que les abeilles meurent. Et tout ça à travers ses prestations au piano avec ses musiciens. C'est une valeur sûre, Claude Pelgag, pour vrai, en spectacle, rarement vu des faux pas. En extérieur aussi? Ah oui! Aucun problème, il faisait noir. La noirceur aide pour beaucoup dans les spectacles extérieurs, et là, c'était parfait. Un public attentif tout de même, alors, pour Claude Pelgag. Alors, de l'autre côté, Jean-Claude, t'es passé un peu plus rock, ensuite, avec Metz? Moi, j'ai été avant. Oui, c'est ça. Et Jean-Claude regrette de ne pas m'avoir suivi. Ah oui, avec Shame. Effectivement, exact. Ouais. Écoutez, racontez-moi. Moi, je suis allé voir le groupe anglais Shame, qui revient aux sources avant que le punk soit cuir et stud, avant que le punk soit ce que les Sex Pistols en ont fait, une mode aussi plus qu'un style de musique, on revient aux travailleurs qui allaient exorciser cette espèce de colère, de platitude de la Londres. Ouais. C'était un peu ça. Et puis ils sont arrivés, c'est des bambins, ils ont à peine 20 ans et ils nous font ils nous ramènent dans ces années-là en mettant des touches d'un peu tout ce qui s'est passé depuis au travers de tout ça. Qu'on parle de Joy Division, des Smiths, de The Fall avec Marky Smith, qui est une influence de Charlie Steen, le chanteur, il l'avoue, ils ont fait des entrevues à propos de ça. Ils arrivent avec les culottes jusqu'au nombril, les trousers, avec les bottes de travail, avec le t-shirt rentré à l'intérieur, et on parle pas d'un style sur scène qui est actuel, mais qui est vraiment ramené aux années des années 60, du début du punk, au travers de tout ça. Et il livre une performance, mes amis, mais ça fait du bien. C'était vigorifiant en tant que tel. J'en suis encore sur les fesses, si je peux dire ça comme ça. Ils nous ont donné tout un spectacle. Il a une voix très grave. Il passe des moments un peu plus parlés avec le bassiste qui fait les cris un peu au travers de ça, avec des textures de guitare qui rappellent justement les Joy Division, l'espèce de indie rock actuel aussi au travers de tout ça. Les deux guitares s'échangent bien ces textures-là. Le bassiste saute partout sur stage et le batteur, ça peut être très facile de tomber dans la perdition, c'est-à-dire on est un peu un punk rock, on est tout croche et le batteur fait débarquer un peu l'atmosphère qui va rouler à travers ça en étant un peu tout croche lui-même. Mais ça, c'était steady, c'était vraiment bien rendu, ça gardait l'énergie, il en ajoutait même. On aurait dit un groupe que ça fait vraiment plusieurs années qu'ils font des performances et ça fait à peine... quelques années qu'ils existent, qu'ils sont nés, si on peut dire ça ainsi. On voit qu'il y a toute une démarche, ils font avec passion et plaisir. Et j'invite tout le monde, Songs of Praise, du groupe Shame, à aller écouter et découvrir. C'est une de mes belles découvertes. Je regrette de ne pas avoir découvert plus longtemps avant que 3 jours avant le spectacle. J'aurais aimé chanter les chansons, les gens étaient là en avant. Seulement 300 à 400 personnes, par exemple, pour le spectacle. On est loin d'une salle comble, mais les gens qui y étaient ont été là pour Shame aussi. C'était pas juste une espèce d'ouverture pour Metz, qui ont livré une performance extraordinaire aussi, mais c'était vraiment des gens qui voulaient voir Shame, cette espèce de phénomène de l'underground qui est là. Les gens avant le spectacle disaient on s'excuse de votre défaite aujourd'hui car les Anglais avaient perdu leur match de soccer. Et non, ils voulaient arrêter d'en parler, s'il vous plaît. Ils sont arrivés en retard au soundcheck parce qu'ils écoutaient la partie aussi. Oh, d'accord. Alors, Metz, après. Metz. C'est pas comme la ville en France. Non, effectivement. Ben, moi, j'arrivais du Berle-Noir. En fait, j'ai raté un peu la fin pour me dire je vais peut-être attraper quelques minutes de Shame, mais shame on me. J'ai raté complètement la performance. Mais j'étais à temps pour Metz, qui était quand même un de mes choix, mais incontournable du fait, parce que c'est un groupe que j'adore, parce que à toutes les fois que je les ai vus, ils déplacent de l'air, ça brasse, ça nous fait du bien. C'est fort. C'est fort. Ça nous replace la colonne vertébrale. Ça nous magane les oreilles, malheureusement. Donc, ça prend des bouchons, absolument. Oui, je les avais pas hier. Le volume à 12... Le son est dans la panne, leur performance est à 1000 à l'heure et il n'y a pas de pause. On se rappelle d'il y a 3 ans, ils avaient ouvert pour Black Lips et même qu'ils avaient complètement débalancé un peu le setup de la soirée, puisque Metz était tellement bon pendant 40 minutes que lorsque Black Lips a commencé, c'était un peu wishy-washy. Ici, Metz était en tête d'affiche, ils nous ont fait une performance d'une heure vraiment à tout casser. Des pièces des 3 albums, surtout peut-être un peu du plus récent. C'est quand même un groupe qui est sur un groupe canadien qui est sur Sub Pop, qui est comme une grosse étiquette américaine qu'on a connue dans le temps avec Nirvana, entre autres. Et ça rappelle un peu des sons, des tonalités à la Nirvana. Oui, c'est vrai. Oui, tu peux continuer. Okay. Si je peux me permettre aussi. En plus, c'est un trio. Oui, c'est un trio torontois qui c'est un groupe canadien qui ils mettent l'énergie tout de suite en partant. Là, on parle d'un groupe où ce que t'embarques ou t'embarques pas. Mais si t'embarques pas, sors de la salle parce que c'est une heure que t'auras pas de plaisir. Tu peux pas aller là si t'aimes pas c'est ça. C'est fait que tous les gens qui y étaient, on a monté jusqu'à 500-600, je dirais, dans le gros bout. Ouais. Et les gens étaient là pour ça, pour se faire décoiffer. Je regrette de pas avoir mis mes bouchons parce que j'ai commencé au début. En avant du stage, j'ai reculé d'un palier et j'ai fini au troisième palier en arrière parce que mes tympans étaient... C'est impossible. Alors, grosse soirée rock hier soir à l'Imperial Bell. On n'a pas le temps de parler du reste, je suis désolée. Mais je peux quand même dire que le nombre ont bien réussi leur retour sur scène. Malheureusement, c'était la dernière fois. Ils ont tout cassé. Bravo au nombre. Il y a le festif de Baie Saint-Paul. Ouais. James Smoker, il y avait des lasers, il y avait du dubstep, il y avait des feux d'artifice. Ça avait l'air malade. Effectivement. Qu'allez-vous voir ce soir, Harry? Je vais aller sur les plaines. Beck et tout ce qui vient avant, Phoenix et tout le reste. Girls in Hawaii. Ouais. Oui. Moi, je vous dis de sortir de chez vous, aller voir un spectacle. Ils sont tous bons ce soir. Oui, c'est vrai. Tania? J'hésite. Escatalite, hein, qui est là ce soir. L'histoire de la musique est là ce soir au Carré du Ville. Donc, Serge aussi, mais je vais être sur les plaines parce que c'est ça. Hashtag déchirant, comme dirait Jean-Claude. Et oui. Et de mon côté, ça sera début de soirée sur les plaines. Je n'irai pas voir Beck. J'irai ailleurs, justement, pour découvrir ce qu'il y a ailleurs aussi. Va voir l'escatalite. Mais pourquoi pas, effectivement. Négative, c'est vraiment un incontournable. Merci à tous les trois, Harry, Tania, Jean-Claude Anton, d'avoir été avec nous aujourd'hui. On se retrouve dès demain 15h30 pour une nouvelle émission de sortie culturelle spéciale Festival d'été de Québec, confirmée pour demain. Arnaud Cordier, bras droit de la programmation, qui viendra nous faire un petit bilan avant la fin de semaine. Et Noémie Turcotte, toute jeune interprète qui chantera à la place de la famille en fin de semaine. Je remercie toute mon équipe avec moi pour cette émission, Le Sacrilège. Et voici tout de suite le Médialodon sur les ondes de CKRL 89.1. Sortie culturelle spéciale Festival d'été de Québec vous a été présentée en direct du bar Le Sacrilège, 447 rue Saint-Jean. Rendez-vous demain, même heure, même poste. Que le spectacle continue. Le Cœur à lire, organisme d'alphabétisation, t'offre l'opportunité d'écrire enfin à tes enfants, de lire enfin les informations sur ton lieu de travail, de pouvoir enfin remplir un formulaire sur place et d'accepter enfin un nouveau poste ou une promotion. Confiant de pouvoir lire, écrire et manipuler un ordinateur. Ouvert toute l'année, c'est gratuit et c'est pour toi. Le Cœur à lire, 418-841-1042. C'est le moment de prendre ta vie en main.